Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Le frère Jean Manadja m'a appelé ce matin. Duku Jean Manadja nita subuhi ya leo. Pour m'annoncer qu'il avait perdu son jeune, sa jeune sœur. Jaku nitangaza kwamba arifuisha mloko wake mwanamke. Qui vient juste après elle en Zambie. Ula na mufatia kule ku Zambia. Ils étaient déjà en route vers Kambove. Balikuwa munjia kuya huku Kambove. Et ils ont connu un petit retard. Na bali kwa nyuma. Et cependant, ce petit retard, mwile, que la nouvelle triste était tombée. Mwile retard walikuwa nayo ndio walipata ile habari ya kifo. Le frère est obligé avec la sœur Marie d'aller en Zambie pour l'enterrement. Nduku na da Marie bana lazimisha bende ku Zambia juu ya kuzika. Et nous prions à ceux qui ont le numéro du frère. Tunasi kwa wale bote beko na namba ya simu ya nduku. De l'appeler pour lui présenter les condoléances. Bapate kumuita juu ya kumupolesha. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Nous prenons le livre de Jérémie. Tutachukua kitabu ya Yeremia. Jérémie au chapitre 19. Jérémie sura 19. Nous prendrons le verset 15. Tutachukua mstari ya 15. Et Jérémie au chapitre 20. Na Yeremia sura makumi mbili. Dans son verset 1 et 2. Mustari ya kwanza na ya pili. Jérémie au chapitre 19 verset 15. Yeremia 19 15. Et Jérémie 20 verset 1 à 2. Na Yeremia makumi mbili moja na mbili. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ivi wa milele wa majesi Mungu wa Israeli anasema. Voici, je veux faire venir sur cette ville. Tazama mitatuma pa hii muji. Et sur toutes les villes qui dépendent d'elle, tous les malheurs que j'ai prédit, que je lui ai prédit. Na kwa miji yote yenye kuangaliwa na hii muji, ole yote ile natangulia kusema. Parce qu'ils ont redit leur coup. Pour ne point écouter mes paroles. Au chapitre 20, verset 1. Pashur, fils d'Imer. Pashur, mwana wa Imer. Sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel. Mukwani na mukubwa wa nyumba ndani ya nyumba wa milele. Entendu Jérémie qui prophétisait ces choses. Akasikia Yeremia mwenye kutabiri yule hivi vitu. Pashur frappa Jérémie. Pashur prophète. Akampika Yeremia nabii. Et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin. Dans la maison de l'Éternel. Na akamweka mukifungo kile likuwa kumulango ya juu ya Benjamina ndani ya nyumba ya wamilele. Pouvez vous asseoir. Munawezi kuikala. Jérémie avait une mission spéciale. Yeremia alikuwa na kazi ya upekee. Lorsque vous voyez la mission qu'il avait reçue du Seigneur, wakati mukiona kazi ile alipokea kwa Bwana, dans Jérémie au chapitre 1, vous verrez que c'était une mission difficile. Mu Yeremia sura ya kwanza mtaona kwamba ilikuwa kazi ya nguvu. Il devait être un homme très courageux. Alipashikwa mtu wa udhaifu sana. Pour parler à ce peuple qui ne voulait plus retourner à l'Éternel. Dieu aye apate kusema kwa babato abakupende tena kumurudiria wa milele. Et lorsqu'il prophétise la destruction de la ville, wakati anatabiri juu ya kuharibishwa kwa hii mji, et le malheur qui devait frapper toutes les villes qui étaient attachées à la ville de Jérusalem, na ile ole ilipashi kupika miji yote ilikuwa yenye kuangaliwa na hii mji ya Yerusalemu. Comme nous l'avons montré hier, ville turionesha jana, l'inspecteur en chef, huyu inspecteur mkubwa, qui était le sacrificateur dans la maison de l'Éternel, n'avait pas pu supporter la prophétie de Jérémie. En voyant ce dernier qui parlait au nom de l'Éternel, que de malheur frapperait la ville sainte et les villes qui étaient attachées à Jérusalem. Jérémie ne pouvait pas s'empêcher de le faire parce qu'il était loin pour faire cela. Hier nous sommes arrêtés exactement à cet endroit pour vous montrer le comportement de Pashur, que c'est le même comportement que nous avons souvent dans les faux prédicateurs, les faux prophètes. Ya kwamba njo mwenendo moyo mwa tukunayo leo mba nabii baubiri ba bongo. Souvent les gens qui n'ont pas une mission de la part du Seigneur, kila mara batu basipo kutumwa na Mungu, les gens qui n'ont pas été appelés par le Seigneur, batu bale bwana Mungu ashikubaite, ne supportent pas la vérité de Dieu. Aba familia yake ukweli ya Mungu. Et ils se comportent comme leur père. Banajongoza kasa baba yabo. Ils sont brutales. Beko ba nguvu nguvu. Ils ont un langage de mépris. Beko na msemeo wa kadharau. Ils se mettent en colère contre les hommes de Dieu. Beko na shirikia batumishi ya Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils ne veulent pas retourner. Dieu va pende kurudia. À l'Éternel notre Dieu. Murudiria wa milele Mungu wetu. Et ils ne veulent pas écouter la vérité. Na va pende kusikia ukweli. Que les hommes de Dieu proclament. Ile batumishi wa Mungu wanatangaza. De sa part. Kwa upande wa Mungu. Mais Jérémie devait affronter toutes ces choses. Le lendemain, il était obligé de les libérer. Quand vous prenez le verset 3 à 6, vous remarquerez qu'à la libération de Jérémie, l'homme de Dieu a encore prophétisé des malheurs sur Pashur et sur leur captivité à Babylone. Et pourquoi cet homme s'était fâché? Cet inspecteur en chef, c'est lui qui prophétisait des mensonges à Judas. Il est parmi ceux qui bénissaient Judas dans le péché. Bien que lui-même n'était pas un prophète. Et lorsqu'il a vu l'homme de Dieu venir exposer la vérité de Dieu sur le peuple de Judas, il ne pouvait pas supporter cela. Parce que ce mensonge était mis à découvert. Oui, bien aimés frères et sœurs. Il n'était pas prophète. Il s'était donné seulement ce titre de prophète. Il ne connaissait pas le plan de Dieu. Il ne connaissait pas les voies de Dieu. Et Dieu n'avait jamais parlé à ces derniers. Dans Jérémie au chapitre 6, Jérémie au chapitre 20 au verset 6, Yeremia sura makumi mbili mustari ya sita. L'homme de Dieu dit, mutumishi wa Mungu anasema, et toi Pashur, na we Pashur, Et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité, tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé les mensonges. Vous voyez, c'était un faux prophète qui parlait de mensonges, qui encourageait le peuple de Juda à ne pas retourner à l'Éternel. Et celui qui les bénissait dans les mensonges. Et vous verrez que la persécution était devenue très grande sur Jérémie. Et en tant qu'homme, il en souffrait. Dans Jérémie au chapitre 20, dans son verset 7 à 8, vous pouvez aller jusqu'à verset 18. Et là, vous verrez les plaintes de Jérémie. Dans son verset 14, il a même maudit le jour de sa naissance. Il subissait les souffrances au nom de l'Éternel. Ce n'était pas pour ses propres fautes. Non, bien-aimé frère. Il souffrait parce qu'il défendait la vérité. Mais Dieu ne pouvait pas le lâcher parce qu'il était l'instrument par lequel il devait annoncer les oracles sur Israël. Et après toutes ces souffrances et toutes ces lamentations, dans Jérémie au chapitre 21, Dieu envoie encore Jérémie parce que c'était sa bouche qu'il utilisait pour parler à son peuple. Et ici, il parle avec précision de la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Il dit, toi Jérusalem, vous serez prise par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Dieu dit par Jérémie à tout Juda, et même au roi, il leur dit, si vous voulez conserver la vie, vous devez accepter d'aller en Babylone. Au cas contraire, vous mourrez. Et l'épée va vous exterminer. Si vous voulez vous conserver, j'ai mis devant vous les chemins de la vie et les chemins de la mort. Si vous voulez vivre, acceptez d'aller en captivité avec le roi Nebuchadnezzar. Si vous voulez mourir, restez à Jérusalem, l'épée viendra vous exterminer. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Pourquoi Dieu fait cela? Parce que le péché était devenu grand. Et Dieu ne pouvait plus le supporter. Dans sa ville sainte, et sur la terre qu'il leur avait donnée comme héritage. Oui, bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi je souhaiterais que vous lisiez vous-même ça à la maison, pour comprendre exactement ce que Dieu a fait avec ce peuple. Et Dieu a promis qu'il frapperait la ville. Il frapperait les hommes. Il frapperait les bêtes. Ils mourront les autres d'une peste. Vous voyez. Et personne ne resterait parce qu'ils étaient opposés à lui. Et Nebuchadnezzar était l'instrument que Dieu avait utilisé pour accomplir la colère de Dieu. Hier, l'ancien m'a dit que j'avais élevé le niveau de ce que je disais. Jana mzee alisema kwamba nalipitisha ko kusema haraka. C'est-à-dire les gens, il semblerait que les gens n'avaient pas compris ce que je disais hier. Manake bato abakufuate binye nalisema jana. Mais quand j'ai écouté la bande, j'ai trouvé que c'était vraiment très simple. Wakati milifuata tepe miliona kwamba sikusema mbio. Vous devez tirer attention parce que nous voulons changer de gamme. Pour entamer une autre phase. Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé ça. Parce que vous devez avoir les tableaux. Les tableaux. Comment les prophéties s'accomplissent. Ou se sont accomplies. Et vous comprendrez pourquoi Dieu avait suscité Jérémie. Il y a certains points sur lesquels je reviendrai. C'est à ce moment-là que vous comprendrez avec des détails. Maintenant vous voyez que dans le livre de Jérémie, il parle d'une manière claire à Israël. Et vous trouvez que ici dans le livre de Jérémie, il y a les ennemis de Dieu et les ennemis d'Israël qui étaient utilisés par Satan afin d'encourager Juda dans le faux, dans le mal, dans le péché, afin qu'il soit châtié par le Seigneur. Et vous remarquerez ici que Dieu a utilisé Jérémie pour donner des prophéties plus claires et précises sur ce que Dieu allait faire avec Judas, avec Jérusalem, avec tous les habitants. Et vous remarquerez que c'est maintenant ici où le nom du roi Nebuchadnezzar et le pays de Babylone, le royaume de Babylone est amplement cité pour éclairer ce que Dieu avait déjà conçu contre Israël. Prenez dans Jérémie au chapitre 21, dans son verset 7. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédékias, le roi de Juda. C'est le dernier roi. Ses serviteurs, le peuple et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée, à la famine, je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée, il ne les épargnera pas, et il n'y aura point de pitié, point de compassion. Vous voyez, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous les chemins de la vie et les chemins de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, qui vous assiège, aura la vie sauve et sa vie restera son butin. Car je dirige mes regards contre cette ville pour faire du mal et non du bien. Dit l'Éternel, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, qui la brûlera au feu. Et tu diras à la maison du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel, maison de David. Vous voyez maintenant que la prophétie devient de plus en plus claire. Dieu a pris maintenant la résolution, envoyant le péché de Judas, envoyant leur incrédulité, comme ils ne pouvaient plus retourner au Seigneur, mais ce que Dieu avait fait pour les ramener à la raison, il a envoyé ses serviteurs dès le matin, ils n'ont pas compris. Dieu a frappé à leur cœur. Dieu a frappé à leur cœur pour qu'ils reviennent à la raison, malgré les messages multiples d'avertissement que Dieu leur envoyait. Judas ne comprenait absolument rien. Et Judas a refusé complètement d'obéir. Il avait endurci son cœur dans le mal. Et comme il ne pouvait plus retourner au Seigneur, j'ai résolu aussi de le détruire. L'église est avec moi. Et Dieu précise. Il dit, Jérusalem sera détruite. Sera détruite. Et même les villes qui sont attachées à lui. Et tous les habitants seront détruits. Si il y a ceux qui refusent de partir en captivité, ils seront tués, soit par la famine, soit par la peste. Et dans Jérémie au chapitre 23, maintenant, vous remarquez, d'abord dans le chapitre 22, Dieu maintenant commence à leur rappeler la méchanceté de leurs actions. Comment ils ont bâti des maisons sur l'injustice. Ils ont rempli leurs chambres par l'iniquité. Ils faisaient travailler leurs frères sans le payer, sans leur donner un salaire. Et ils construisaient des chambres spacieuses où ils voulaient habiter dans les maisons un peu plus ornées. Ils se livraient à la cupidité. Vous voyez, ils exerçaient l'oppression et Dieu leur rappelle leur crime. Vous voyez, et Dieu leur dit, vous voyez ce que vous avez fait, maintenant mon temps aussi est arrivé, je vous payerai. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et comme nous l'avons toujours dit, ce que vous semez, même au temps de votre paix ou pendant le temps de votre endurcissement, vous allez récolter chaque graine que vous avez semée. Si vous avez semé une mauvaise semence, vous la récolterez selon vos œuvres. Maintenant au chapitre 23, Dieu maintenant commence à s'adresser aux faux sacrificateurs, aux faux prophètes, aux faux docteurs, aux faux pasteur, qui ont encouragé le peuple d'Israël, qui ont encouragé Judas à s'éloigner complètement de l'Éternel. L'Éternel s'adresse aux faux pasteurs et aux faux prophètes. Il disait des mensonges. À son nom. Il donnait des fausses prophéties à Israël. Qui les encourageait dans leur égarement. Qui leur promettait la paix dans leur péché. Qui bénissait le peuple pendant qu'il agissait mal. Et il tordait la parole de Dieu par des faux songes et des fausses interprétations. Dieu maintenant s'occupe d'eux. Il dit ça va. C'est ce que vous avez fait sur mon peuple. Maintenant, le temps aussi est arrivé pour vous. Je vais vous payer selon selon le travail que vous avez fait. Vous avez aidé mon peuple à s'éloigner de moi. Vous l'avez plongé dans l'idolâtrie. Vous avez prophétisé des mensonges. Vous l'avez encouragé dans le mal. Vous lui avez barré la route pour revenir à moi. Vous avez interprété mal ma loi, ma parole. Vous les avez conduits dans les choses de néant. De telle manière que le peuple et même les bergers, ils n'avaient la force que pour accomplir le mal. Oui, bien-aimé frère et sœur. Ils devaient aussi en avoir, à recevoir leur compte. Vous voyez, bien-aimé frère. Vous voyez, bien-aimé sœur. Les faux serviteurs parmi le peuple de Dieu éloigne toujours le peuple loin de l'Éternel. Vous voyez, ce qui se passe maintenant, c'est exactement ce qui se passe maintenant avec Judas, comme nous le voyons ici dans Jérémie au chapitre 21, 22, 23. Et si vous remarquez bien, tous ces faux pasteurs, ces faux docteurs, ces faux prophètes, ils disaient les visions de leur cœur, ils donnaient des mauvais conseils à Judas, ils parlaient des choses sans sens, ils maintenaient les gens dans la domination de l'ennemi, et ils voulaient que les gens prospèrent dans le péché. Il est flatté dans le mal. C'était seulement pour gagner l'argent de leur part. C'est vrai, frère. Souvent, les faux pasteurs et les faux prophètes travaillent pour le ventre. Ils ne parlent jamais pour le Seigneur. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils travaillent pour l'argent. Même si vous remarquez aujourd'hui dans cet état de l'Odyssée, parce que la situation est presque similaire. Beaucoup de prédicateurs et même beaucoup de songeurs qui s'élèvent aujourd'hui et ceux qui se nomment évangélistes, les autres se nomment prophètes. La plupart d'entre eux, les 99,09, ce sont de faux. C'est tous ces faux prophètes qui encouragent les gens dans le mal, et le monde se plaît à marcher dans l'impiété, parce que la vérité de Dieu les empêche à profiter les avantages du diable. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Ils seront châtiés parce qu'ils ont raconté des mensonges. Ils tordaient le sens de la parole de Dieu. Maintenant, quand vous prenez Jérémie au chapitre 21, ici, Dieu montre à Jérémie les deux paniers dans lesquels il y avait des fugues. un panier où il y avait des bons figues, un autre panier où il y avait des mauvais qu'on ne pouvait pas manger. Et les deux paniers ayant des qualités de figues représentaient deux natures du peuple de Juda. Asili mbili ya taifa ya Yuda. Parmi eux, il y avait des bons. Katikati yabo parikuwa batu. Et parmi eux, il y avait des méchants. Katikati yabo parikuwa batu babaya. Et en ce qui concerne les méchants, babaya, Dieu dit, comme on ne peut pas manger de bons figues, avila wezi kula ma, ces gens-là seront amenés en captivité à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Et ils mourront dans ce pays-là. Et ils ne peuvent pas retourner dans le pays de la promesse. Mais à ceux qui avaient un bon cœur, mais qui ont été entraînés dans le péché, mais ils seront aussi ramenés, ils seront amenés en captivité, mais après un certain temps, ils seront ramenés dans le pays, ils seront amenés en Israël, et là, lorsqu'ils seront ramenés, c'est Dieu lui-même qui les planterait, et ils ne seront jamais déracinés. Vous voyez, parce qu'il y a toujours des bons mêlés, il y a des bons qui sont mêlés aux méchants. Il y a des fois les bons sont châtiés avec les méchants à cause de leur manque de discernement. Quand un bon se compromet dans le mal qu'un méchant fait, il sera châtié à cause du compromis qu'il a fait. Et comme Dieu maintenant avait fini, il avait déjà arrêté ce qu'il devait faire. Sur Juda, au chapitre 25, il vient maintenant préciser ce qu'il fera avec Juda et combien d'années ils passeront en captivité et ce qu'il fera avec la nation qui les amènera en captivité et tous les rois et tout le peuple que Dieu utilisera comme fouet pour punir les crimes de Juda. Vous voyez, prenons Jérémie au chapitre 25. C'est ici maintenant où nous voyons les 70 années de la captivité de Juda. Il faut noter ça. Il faut noter ça. Jérémie chapitre 25. Il faut noter cela. Parce que ça parle des 70 années qui ont été prophétisées par Jérémie. Les 70 années de la captivité de Juda à Babylone. Sous le règne du roi Nebuchadnezzar. Commençons au verset 1. La parole fut adressée à Jérémie. Sur tout le peuple de Juda, la quatrième année de Joachim, fils de Joas, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda. Devant tous les habitants de Jérusalem en disant, depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Vous voyez, nous y reviendrons. Il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé Je vous ai parlé dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Remarquez que ça faisait déjà 23 ans que Dieu parle à Israël, à Juda, par Jérémie, mais ils n'ont jamais écouté. Vous voyez, maintenant ici Jérémie leur rappelle leur comportement, parce que Dieu en avait marre. Vous voyez, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voix et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans les pays que j'ai donné, que j'ai donné à vous et à vos pères. Na mutabakia muinchi ile na limipatia moye na basazi yenu. D'éternité en éternité. Milele kwa milele. N'allez pas après d'autres dieux. Musiende mbele ya Mungu ingine. Pour les servir. Ya kuitumikia. Et pour vous prosterner devant eux. Na juu ya kuinama mbele yao. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains. Mushinishirikishe kupitia vitendo yenu ya mikono. Et je ne vous ferai aucun mal. Na mista mifanshia kibaya hataki mal. Mais vous ne m'avez pas écouté. Alakini. Amukunisikiliza ivyo milele anasema. Pas l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles. J'enverrai chercher tout le peuple du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation, de moquerie et de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux le cri de jouissance et le cri d'allégresse, le chant du fiancé Mimbo ya mchumba, et le chant de la fiancée, na mimbo ya mchumba mwanamke, le bruit de la mêle, ma kelele ya chuma, et la lumière de la lampe, na nuru ya ta. Tout ce pays deviendra une ruine. Inchi yote mzima itakuwa tu ni maharibifu. Un désert. Jangwa. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Ima taifa itatawaliwa na mfalme wa Babeli miaka makumi saba. Lorsque ces 70 ans seront accomplis, wakati miaka makumi saba itaenea, je châtierai le roi de Babylone et cette nation. Tamwapiza huu mfalme wa Babeli na itaifa. Dit l'Éternel à cause de leur iniquité. Hivyo milele anasema kwa ajili ya wao. Je punirai le pays de Chaldéens. Tapiza inchi ya Chaldéens. Et j'en ferai des ruines éternelles. Na taifanye kwa uharibifu wa milele. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Tatuma yulu ya inchi bitu byote bile na litangaza yulu yayo. Tout ce qui est écrit dans ce livre, byote binye kwanjiko mu kitabu, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations, ile Jérémie alitabiri yulu, car des nations puissantes et des grands rois les asserviront, et aussi et je les rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. C'est ainsi car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquels je t'enverrai. Vous voyez, maintenant, ici au chapitre 25, Dieu détermine maintenant les années de la captivité du royaume de Juda. Wazi wazi miaka ya bufungwa ya et Dieu maintenant précise. Na Mungu anasema wazi. Il dit tous ces rois. Anasema baba wafalme wote. Et toutes ces nations. Na hii mataifa yote. Que je vais utiliser pour punir Juda. Ile nitatumikisha juu kwa piza Yuda. Pour détruire sa ville. Juu kuharibisha mji wake. Et pour détruire mon père, ses habitants, quand ces 70 années seront terminées, je vais m'occuper de ces royaumes-là. Je vais m'occuper de leur, de leur pays. Je vais m'occuper de leur, de leur roi. Je vais m'occuper de leur peuple. Vous voyez bien, mes frères, même quand vous lisez ici, vous verrez l'affection de Dieu. Il les envoyait de l'autre côté, c'était pour les punir. Mais il avait toujours de l'affection envers Juda, envers Israël. C'est pourquoi vous voyez, il promet le retour après les 70 années. Et regardez comment Dieu est compliqué. Il dit, comme eux-mêmes aussi sont des incirconcis, eux-mêmes ils vivent dans l'idolâtrie. Ils vivent aussi dans l'iniquité. Ils vont châtier à cause de votre iniquité. Parce que vous avez abandonné. Quand j'aurai terminé de vous châtier, je vais aussi m'occuper d'eux. Bien qu'ils ont été mes serviteurs, ils ont été mes instruments que j'ai utilisés pour vous châtier, je vais aussi les châtier. Vous voyez, Dieu leur demandera compte pour dire pourquoi vous avez châtié mon peuple. Okay. Après tout, c'était son peuple. Dieu est très compliqué. Mungu est Dieu ne l'avait jamais rejeté à toujours. Mungu non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé sœur. Dieu avait toujours un œil sur Jérusalem. Mungu kuangalia parce que c'est la ville qu'il avait déjà choisi pour placer son nom. Il ne pouvait pas l'abandonner pour l'éternité. Il a fait une alliance avec le Père d'Israël. Et cette alliance-là était inviolable. C'est pourquoi par moment il se mettait en colère. Mais quand il pensait à l'alliance qu'il avait fait avec le Père, il revenait à sa colère. Vous voyez bien, mes frères. Mais dans le chapitre 26 de Jérémie. Musura makumi mbiri na sita Yeremia. Après la prophétie de Jérémie. Kisha matabiri ya Yeremia. Pour leur dire que Nebuchadnezzar vous amènera comme esclave dans son pays, dans son royaume pendant 70 ans, après que Jérémie ait fini de prophétiser, les sacrificateurs, Bakouani, les prophètes, Manabi, et tous les peuples, na taifa yote, voulurent tuer encore Jérémie. Lisons cela. Dans Jérémie au chapitre 26. Alors, dans au verset 1 jusqu'à 7, ça vous lit cela. Commençons au verset 4. Tu leur diras, ainsi par l'Éternel, si vous n'écoutez pas, si vous ne m'avez pas écouté, quand j'ai ordonné de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, kama amukupende kunisikia wakati naramuru kufuata sheria yangu ile naruweka mbele enu. Vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Amukunisikie. Écoutez les paroles de mes serviteurs. Musikie msemo ya batumishi yangu. Les prophètes que je vous ai, que je vous envoie. Manabi ile na mitumia. Et que je vous ai envoyé dès le matin. Na wale narimtumia tangia asubuhi. Et que vous n'avez pas écouté. Na amukusikilize. Alors je traiterai cette maison comme silo. Silo. Et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, les prophètes, Manabi, et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ses paroles dans la maison de l'Éternel. Au verset 8. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant: tu mourras. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant que cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée de ses habitants? Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, tout le monde était fâché contre lui. Il s'attendait à écouter la bénédiction. Mais il ne pouvait pas le faire. Dans le verset 10. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent à la maison du roi et à la maison de l'Éternel. Et ils s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple: cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Vous voyez, Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple: l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, ayez porté vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se répandira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, mais voici entre vos mains. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon. Seulement, sachez que si vous me faites mourir, vous me chargerez du sang innocent pour cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Est-ce que vous suivez la discussion qu'il y a entre le peuple, les chefs, les sacrificateurs, les prophètes et Jérémie? Jérémie ne pouvait pas renier la mission que Dieu lui a donnée. Parce que les gens voulaient le tuer. Vous voyez, quand ces faux prophètes, ces faux sacrificateurs l'ont amené devant les gens pour dire: cet homme mérite la mort. Il dit: ce n'est pas un problème. Je vous ai fait entendre les paroles de Dieu. Ce ne sont pas mes paroles. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui vous parle à travers moi. Si vous voulez me tuer, il n'y a pas un problème. Je suis entre vos mains. Mais sachez seulement que vous allez répandre le sang innocent. Moi, je n'ai pas un problème avec vous. Et vous n'avez pas un problème avec moi, mais vous avez un problème avec Dieu. Vous voyez bien mes frères, comme dans chaque groupe, il y a toujours des gens qui ont un bon sens. Parmi eux, il y a eu d'autres chefs qui ont dit: ce que Jérémie a dit est vrai. Il ne mérite pas la mort. Pourquoi? Parce que nous l'avons entendu comment il a dit. Et quand nous voyons les saintes écritures, dans les années passées, il y a eu un Miché, le prophète Miché. Les écrits sont encore entre vos mains. Ce que Miché avait prophétisé contre Jérusalem et contre ses habitants, c'est exactement ce que Miché prononce aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement Miché. Il y a encore un deuxième témoignage. Il y a eu le prophète Uri. Lui aussi à son temps, il a prophétisé exactement les mêmes choses que Jérémie a dit. Avec les témoignages de Jérémie, ça fait déjà trois. Jérémie n'a fait que confirmer ceux qui l'ont précédé. Alors où est son problème? Il ne mérite pas la mort. Maintenant, il y a eu deux camps. Il y a eu les camps qui soutenaient Jérémie. Et il y a eu les camps qui voulaient tuer Jérémie. Vous voyez, les autres disaient, non, Jérémie n'est pas un véritable prophète, parce que s'il était le nôtre, il revenirait. Il ne peut pas prophétiser de malheur, c'est sa propre ville, et c'est son propre peuple. Il agit contre nous comme un ennemi. Les autres ont dit non, ce n'est pas un problème de Jérémie, c'est le problème de Dieu. Vous avez un problème, non pas avec Jérémie, vous avez un problème avec Dieu, parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Il a envoyé les premiers prophètes. Vous ne les avez pas écoutés. C'est pourquoi Dieu a utilisé Jérémie. Ce sont ces hommes de Dieu qui avaient le bon sens, qui avaient une vision correcte des choses et qui avaient épargné Jérémie afin qu'il ne soit pas tué. Vous voyez bien mes frères. Mais maintenant, comme il y a toujours Satan. Ça veut dire qu'on est calé qui la mara Satan. Hein? Anania les faux prophètes. Anania les faux prophètes. Anania, Nabi wa bongo na ya kaonekan. Pour contredire Jérémie. Dieu qu'on commanisha Jérémie, qu'on pinganisha. Dans le chapitre 28. Musura makumi mbili na munani. Anania vient. Anania na ya kakuja. Il dit ainsi par l'Éternel. Naya kasema hivi Bwana wa milele anasema. Effectivement, kabisa bya kweli, Juda ira en captivité. Juda bya kweli atenda mu kifungo. Mais, alakidi, il n'ira que pour 2 ans. Atenda mu tuni juu ya miaka mbili bule. Les 70 ans, c'est beaucoup. Jérémie a exagéré. Maintenant, Dieu m'a dit pour venir corriger la prophétie de Jérémie. Juda ira certainement en captivité, mais il va faire seulement 2 ans et Dieu va le ramener. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Mais regardez, quand Anania vient, il y a beaucoup de sermons que nous pouvons faire, mais nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui. Comment nous pouvons découvrir un véritable prophète, un faux prophète? Comment on peut découvrir une véritable prophétie et une fausse prophétie? Comment on peut découvrir un véritable prédicateur? Quand vous prenez la prophétie d'Anania, il prophétisait aussi au nom du Seigneur. Anania n'avait jamais considéré les prophéties précédentes qui avaient déjà été annoncées par les anciens prophète de l'Éternel. Pour respecter ce que Dieu a dit, vous devez être de Dieu. L'Église est avec moi pour comprendre ce que Dieu a consigné dans les Saintes Écritures. Vous devez avoir aussi l'Esprit sur vous de ceux qui ont écrit ce cette Bible ou cette prophétie. Aussi longtemps que vous n'avez pas l'esprit de ceux qui ont écrit la prophétie, vous la comprendrez pas. Vous l'interpréterez forcément. Vous voyez bien, mes frères. Anania voulait plaire aux gens. Anania ripenda pendeza furaishe bantu. Il n'avait pas la vérité. Asiko na ukweli. Jérémie lui dit. Jérémie akamwambia. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as dit là? Bile o natoka mukusema bile. S'accomplisse. Bitimilik. Mais écoutez Jérémie. Alakini, et écoutez Anania. Usikilize wewe Anania. Tu dois savoir, une chose. Unapashi kujua kitu kimoja. Quand un prophète prophétise, wakati nabii yeko na tabiri, c'est à l'accomplissement de sa prophétie, ni kutimilika kwa matabiri yake, il sera reconnu comme vrai ou faux. Jo kule watamtambua sema ni wabia kweli au hapana. Anania note cela. Anania ubambe hii mambo. Et deuxième chose. Na kitu kia pili. Quand toi tu dis de cette vie, tu prophétises de cette manière. Wakati una tabiri muina muna. Il y a des prophètes qui t'ont précédé. Aucun des prophètes n'a parlé en bien de cette nation. Il n'a pas compris. Mais dans son orgueil, il casse même les jougs. Ana vunja na si Jérémie. Julia Jérémie. Voyez, il brutalise Jérémie. Ana mkombanisha Jérémie. Disons un peu cela parce que notre temps file. Tusome kwanza hii juu wakati yetu inaenda. Dans Jérémie au chapitre 28. Vous lirez tous les chapitres. Jérémie sura 12:1. Au verset 2, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Mstari ya pili. Je brise les jougs du roi de Babylone. Hivi wa milele Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli anasema, mimi nafunga nyumba ya mfalme wa Babeli. Encore des années. Kuna wakati tena miaka mbili. Et je fais revenir en ces lieux tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé en ces lieux. Tarudisha vyombo munyumba wa milele bile mfalme Nebuchadnezzar. Et qu'il a emporté Babylone. Na bila alibeba Babeli. Et je ferai revenir en ces lieux, dit l'Éternel, Jeconia, fils de Joachim, roi de Juda. Et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai les jougs du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète. En présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui s'éteignait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit Amen. Jérémie nabi akasema que l'Éternel fasse ainsi. Wa milele afanye vile. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Wa milele atimize misemo ile unatabiri. Et qu'il fasse revenir de Babylone en ces lieux les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Na apate kurudisha muhifadhi vyombo vyote vya nyumba wa milele na bafungwa bote. Verset 7. Mstari ya 7. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles du peuple, de tous les peuples. Alakini usikie misemo mimi natangaza kwa les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, bale banabi bali tanguri mbele ya mbele yako. Dès les temps anciens, tangia nyakati ya zamani, ont prophétisé contre des pays puissants, bali tabiri mbaya yule aima inchi ya wazo, des grands royaumes, na ya mafalme mnene, des guerres, mavita, des malheurs, maole, et la paix, na zoruba. Mais, alakini, si un prophète prophétise la paix, kama nabii moya kitabisa, c'est par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé, ni kupitia kutimilika kwa bila alitabiri, qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de Dieu. Jo kule watamutambua sema ni mutu. Alors Anania le prophète enleva les jougs de dessus le cou de Jérémie. Na Anania nabii akatosha nyuma ile brisa ya shingo ya. Et Anania dit en présence de tout le peuple. Jérémie Anania. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que dans deux années, j'ai brisé dessus le coup toutes les nations, les jougs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et j'ai remis le prophète Samala. Vous voyez, il ne voulait pas discuter avec un faux prophète. Parce qu'il savait que ce qu'il avait dit était la vérité. Mais regardez ce qui vient après. Mais quand Jérémie s'en va, Jérémie dit à Jérémie, retourne. J'ai une parole contre Ananias. Alors quand il retourne, il dit ceci à Ananias. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. J'ai mis un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'ils soient asservis à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et ils seront asservis. Je lui donne aussi des animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Ananias le prophète. Écoute Ananias. L'Éternel ne t'a point envoyé. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Ananias le prophète mourit cette année-là. Et Ananias le prophète. Dans le septième mois. Vous voyez bien mes frères. Jérémie avait la certitude de ce qu'il dit. Yeremia alikuwa na hakikisho ile alikuwa anatabiri. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que sa prophétie matabiri yake était conforme aux écritures. Ilikuwa yenye kuambatana na maandiko. Cela était conforme. Ilikuwa yenye kuambatana. Aux prophéties na matabiri précédentes. Ile litangulia. Qu'avait déjà annoncé les hommes de Dieu. Ile watumishi wa Mungu bali mtangulia bakuwa nesha tangaza. C'est pourquoi quand Dieu vient, je commande wakati Mungu akikuja, akamwambia nani? Toi tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Et tes paroles, ce sont des paroles de révolte contre l'Éternel. Et comme punition, cette année toi tu mourras. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il prophétisait des fausses choses. C'est lui qui révoltait les gens contre les hommes de Dieu et contre Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Quand l'Éternel me donnera du temps, je reviendrai seulement sur ce chapitre 28 pour faire une prédication sur ça. Il y a une grande leçon que nous trouvons ici. Vous voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Et vous le remarquerez que tout le temps, dans chaque époque, il y a toujours des faux prophètes qui inspirent une fausse confiance aux gens. Lorsque une parole, une prophétie, un enseignement n'est pas conforme aux Écritures, n'y mettez pas votre main, n'y touchez pas. Ne mettez pas votre foi. Et tous ces gens qui inspirent au peuple de Dieu, une fausse confiance avec des fausses prophéties, avec des fausses visions. Ce sont des gens qui amènent de la révolte contre Dieu. Et ceux qui révoltent les gens contre Dieu ne peuvent pas rester impunis. Vois bien mes frères. Vois bien mes sœurs. C'est ainsi que Dieu avait déjà arrêté que c'est fini pour Judas. Sa coupe était remplie. Il devait aller en captivité. Vous voyez bien mes frères. Et les 70 années qui ont été prophétisées par Jérémie, il ne faut jamais les confondre avec les 70 semaines que nous n'avons pas encore touchées. Et nous en parlerons en détail. Vous voyez, regardez comment nous avons évolué. Regardez là où nous chutons. Et ce qui est arrivé. Regardez le comportement du royaume de Judas. Et le comportement du royaume d'Israël. Regardez comment pendant le temps d'apostasie de ces deux royaumes, il s'est élevé beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux sacrificateurs, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux docteurs. Vous voyez bien mes frères, c'est un signe de l'apostasie dans chaque génération. Quand une génération arrive à la fin, il y a beaucoup de faux ouins qui s'élèvent, qui prophétisent des mensonges pour donner une fausse confiance aux gens, afin de les aveugler à l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous voyez, c'est ce qui arrive maintenant. Jésus en a parlé. Il a dit, il se révéla des faux prophètes. Et aujourd'hui nous en avons. Regarde même dans les messages comment les gens interprètent les histoires. Non, frère, quand nous lisons le message, nous devons les lire attentivement. Et tout quand vous prenez le message de faux Banaam, lisez-le attentivement. Surtout quand il parle le problème de la prophétie. On voit les frères agités. Regardez à l'élection de Trump. Il y a eu des frères qui s'agitaient. Des prédicateurs qui s'agitaient. Regardez même ici, à l'élection ici, de John, Biden. Il y a encore des gens qui s'agitent. Vous voyez, ils ne comprennent pas bien les prophéties. Pour eux, ils pensent que cette femme qui sera la vice-présidente du président, c'est elle qui accomplit la prophétie, qui accomplit la prophétie de Frère Banaam de 1933. Non, ce n'est pas ça. La femme dont Frère Banaam a parlé, c'est l'Église catholique. Ce n'est pas cette femme qui vient d'être... cette femme qui va assister le président des États-Unis. Ce sont les gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez les paroles prophétiques, lisez-les lentement, lisez-les attentivement et considérez toutes les paroles qui ont été dites sur cette prophétie. J'ai vu des frères, même des prédicateurs, m'envoyer cette prophétie qui se trouve dans le message, et dès ce moment-là, pour dire que c'est l'accomplissement de ce qui a eu. Non. Kusema sasa ndio kutimilika kwa hii inafanyika. Ce n'est pas l'accomplissement de ce qui a eu. Hii haina kutimilika kwa ile inafanyika. C'est la femme dont Frère Branham parle, c'est l'église catholique. Mwanamke mwenyendo kwa Branham anasemezea ni kanisa ya Katolika, haina ule mwanamke mfasi wa Amerika pana. Mais à la fin, lakini pour terminer, ndio kumaliza. Comprenez que elewe ya kwamba à la fin de la de chaque âge, ya kila kizazi. Il y a toujours beaucoup. Il s'élève beaucoup. De faux prophètes. Pour enlever le peuple. Afin de le maintenir encore dans la distraction et dans le péché. Il est mais malgré cela, il y a toujours un peu d'hommes de Dieu qui maintiennent la lumière de Dieu. Tous les élites qui se trouvent dans cet âge-là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer demain. Peut-être demain nous allons commencer à parler de 70 semaines de Daniel. Sasa ingine kesho njo tutaanza kusemea yulu ya majuma 70 ya Danieli. Mnaona wanduku babe. Les 70 années. Miaka 70 de Jérémie. Ya Yeremia. Qui parle de la captivité du royaume de Juda à Babylone n'est pas à confondre avec les 70 semaines de Daniel. Mushivruke na majuma makumi saba ya Danieli. Et prochainement, je vais aller lentement. Siku ijapo tasema polepole. Peut-être à partir de demain ou après-demain. Parce qu'à ce moment-là, on va prendre et les dates. Nous allons revenir sur cette époque-là. Nous allons prendre chaque événement avec date et avec les écritures maintenant pour éclairer. Mais si nous avons beaucoup traîné sur ce roi, kama tunagawia sana yule je voulais surtout attirer l'attention de l'église. Nalipenda kusopesha kanisa, comment pour montrer comment les gens rejettent Dieu, comment les gens tombent dans l'apostasie, comment les gens endécissent leur cœur pour arriver à la destruction, et comment les faux prophètes œuvrent quand les gens tombent dans l'apostasie, pour que nous commettions pas les mêmes erreurs. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière. Prions. Nous te bénissons, notre Père, pour ces paroles.